Bonjour. Alors, les folkloristes littéraires des ballades anglaises aux folk songs américaines, deuxième partie, de la recherche des origines à la quête de l'américanité. L'étude des ballades et des folk songs d'origine britannique aux États-Unis s'articule initialement autour de la question de leurs origines et de l'identité de leurs auteurs. À la fin du 19e siècle, les folkloristes américains prennent en effet part à la Ballad War, la guerre de la ballade, qui divise déjà en Europe les tenants de la théorie communaliste et ceux de la théorie individualiste. Pour les communalistes, courant majoritaire aux États-Unis, les ballades et folk songs auraient été créées de manière collective par un groupe d'individus anonymes et de manière spontanée. Francis Barton Goomer, ancien étudiant de Child à Harvard, propose une théorie communaliste des processus de création des ballades, fondée sur une représentation évolutionniste. Aux origines, les ballades auraient été composées par, selon son expression, une horde humaine, dans le cadre de danses rituelles. Leur forme initiale serait rudimentaire, des strophes répétées de manière incohérente, qui auraient plus tard évolué en épopées versifiées, chantées par des chanteurs professionnels. Le manque de données pour appuyer la théorie de Goomer lui vaut beaucoup de critiques, notamment des anthropologues, même si son modèle communaliste et évolutionniste restera très influent dans les représentations du folk, notamment chez des collecteurs comme John Lomax. George Lyman Kittredge, autre disciple de Child, adopte une position plus nuancée, en acceptant la possibilité que les ballades aient à l'origine un auteur individuel, et qu'elles aient ensuite évolué avec l'ajout de strophes improvisées par des auteurs anonymes. Les tenants de la théorie individualiste, aussi appelée Literary School, l'école littéraire, rejettent souvent avec véhémence l'approche des communalistes, qui est dérivée, elle, des théories herderiennes et childiennes. Les individualistes sont plutôt des folkloristes britanniques, à l'instar de l'écrivain d'Oxford William John Courthorpe, qui postule que les ballades ont été composées par des bardes, ou bien encore de l'historien écossais Thomas Finlayson Anderson. Au tournant du XXe siècle, alors que le paradigme anthropologique gagne du terrain, une nouvelle génération de folkloristes s'écarte progressivement de l'approche antiquarian des communalistes d'Harvard, à qui ils reprochent leur manque de contact avec le terrain et leur manque de données. En effet, même si certains, comme Newell et Kittredge, étudient des variantes de ballades britanniques survivant aux États-Unis, très peu d'entre eux en font directement la collecte. Ils sous-traitent plus volontiers cette tâche à des femmes éducatrices ou à des missionnaires vivant au contact de populations rurales. Ces ballades ne sont pas abordées en tant que pratiques culturelles s'inscrivant dans un contexte social spécifique, mais comme des objets littéraires décontextualisés. Au début des années 1900, le folkloriste Phillips Barry, également formé à Harvard, conteste l'approche communaliste et les méthodes trop dogmatiques de ses tenants. Il réalise de nombreuses collectes dans le nord-est des États-Unis et propose une nouvelle théorie fondée sur ses observations, qu'il va nommer la communal recreation, la recréation communautaire. Un processus selon lequel une ballade composée par un seul individu est ensuite transformée par chaque personne qui la chante, produisant ainsi autant de variantes qu'il y a d'interprètes. Et donc, plutôt que de s'intéresser à la manière dont sont originellement créées les ballades, Barry propose d'examiner les processus de transmission. Il s'éloigne ainsi de la vision figée des antiquarians et de leur approche communaliste, qui ne s'attache qu'à retrouver une version originale qui serait la plus authentique. Ce glissement de la question des origines vers celle des méthodes de transmission des chants, correspond aux évolutions des paradigmes de l'anthropologie. Barry s'écarte du cadre théorique de l'évolutionnisme pour une approche plus diffusionniste. Il est également l'un des premiers spécialistes de littérature à s'intéresser aux mélodies accompagnant les paroles et à étudier les liens entre musique et texte. Sydney Robertson citera abondamment ses travaux lorsque dans les années 30, elle s'attachera elle aussi à étudier les variantes mélodiques d'un même chant. L'intérêt de Philip Barry pour les processus de transmission l'encourage également à s'intéresser à des répertoires de chants plus récents, composés aux États-Unis, en particulier en Nouvelle-Angleterre, qui est son terrain principal. Il s'éloigne ainsi du répertoire des ballades childiennes d'origine britannique qui occupaient de manière quasi exclusive ses pairs. Dans le Nebraska, une chercheuse en littérature américaine s'attache elle aussi à renouveler les objets d'étude et les cadres analytiques du folklore. Le parcours de Louise Pound est remarquable. En plus d'être une chercheuse pionnière de l'étude linguistique de l'anglais américain, elle est également athlète de haut niveau, médaillée en tennis, en golf, en cyclisme et en ski. Et elle est militante dans des sororités et membre de comités de défense pendant la Première Guerre mondiale. Installée à l'université du Nebraska à partir de 1895, elle enseigne également à Yale et à Columbia. Ces objets d'étude illustrent le développement récent des recherches sur la culture, la société et les arts contemporains américains. En effet, avant les années 1880, les cursus universitaires en ce qu'on appelait les humanités sont dominés par des objets d'étude dits classiques, plutôt tournés vers l'Europe. Du grec et du latin classique à l'anglais médiéval. La première chaire de littérature américaine est créée à Cornell en 1881 pour le professeur Moses Coit Tyler, tandis qu'à Harvard, il faut attendre 1906 pour que le professeur Barrett Wendell en obtienne la création. Le glissement de l'intérêt exclusif pour les ballades britanniques vers des chants américains s'inscrit ainsi dans le cadre de la naissance des American Studies dans les universités. Et Pound, Louise Pound, en est l'une des pionnières. Rejetant l'approche communaliste, à l'instar de Barry, Pound souligne que les sujets traités dans les ballades du vieux continent sont presque systématiquement aristocratiques. Elles mettent en scène des lords, des gentes demoiselles ou des rois. Elle en déduit que les ballades britanniques auraient plus vraisemblablement été composées par des chanteurs professionnels plutôt que par une communauté populaire et rurale anonyme. Si cette hypothèse est difficilement vérifiable, elle a le mérite de mettre en relation le sujet des ballades avec les intérêts, même supposés, des chanteurs et donc de s'intéresser au contexte de production et de diffusion des chants. Plus important encore, Louise Pound est la première professeure d'université à mener des recherches sur les chants de cow-boys. 3 ans seulement après la publication du recueil grand public de Cowboy Songs de John Lomax en 1910. Ses collectes de chants de cow-boy viennent appuyer ses recherches portant sur les spécificités de l'anglais américain, et notamment sur les origines historiques et de la prononciation de l'anglais américain, sujet qu'elle partage avec son ami, le célèbre écrivain Henry Louis Mencken. Durant les premières années du XXe siècle, donc, elle collecte des chants, des contes et des dictons dans le Nebraska, dans le but d'étudier les différences linguistiques entre l'anglais britannique et l'anglais américain, ainsi que les spécificités régionales de l'anglais du Nebraska. Cet intérêt pour l'anglais américain contemporain l'a conduit à considérer sur le même plan des vieilles ballades telles que Lord Randall et des chants américains plus récents comme Jesse James. Les travaux de Louise Pound et de Phillips Barry illustrent l'intérêt grandissant pour les répertoires américains et la volonté de mettre au jour leurs spécificités par rapport aux ballades britanniques. Les recherches sur les chants en langue anglaise sont ainsi marquées par un glissement progressif de la quête des origines vers la recherche de l'américanité, donc de ce qui fait américain. Les folkloristes commencent à prendre leur distance avec leurs racines européennes pour se consacrer à la recherche de leurs propres ancêtres américains. Pour illustrer ce passage, je vous propose d'écouter un chant de cow-boy, The Dying Cowboy, qui a été collecté donc beaucoup plus tard hein, par rapport à la période dont on parle ici, en 1939 par John Lomax et sa femme Ruby Terry Lomax, dans le Texas, à Falfurrias. Et donc c'est un chant interprété par Frank Goodwin. Boy, on his dying bed. the close of day. Oh, bury me now on the lone prairie, where the wild coyote will hallow me in a narrow grave. Just 6 by 3. Peanut.